Mais Gérard, puisque t'es là, nous avons Sandy, ta femme, qui est avec nous. Bonsoir Sandy. Bonsoir tout le monde. C'était. C'est pas mal. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est pas mal. Ça va Sandy? Bah non, pas tellement. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Bah déjà, il y a deux problèmes. Déjà, le premier problème, c'est fesses de babouin. Et ça, je crois que j'étais claire avec lui déjà dès le départ. C'est que il me laisse des messages constamment pour me dire oui, Sandy, je suis amoureuse de toi, je t'aime et tout ça. Et il paraît que c'est des messages porno. Non, je sais pas si c'est des messages. Non, c'est des messages qui m'est destiné pour moi. Oui, d'accord, mais porno, paraît-il. Pas pour nous, pour nous. Non, porno, non, disons que ça va pas jusque-là quand même. Non, ça va pas, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit dans ces messages? Fous-toi à poil Non, il me dit comme quoi qu'il a envie de me voir, qu'il est amoureux de moi, et en plus, ça fait 3 ans qu'il me connaît, 3 ans qu'au bout de 3 ans, il se réveille pour dire oui, ça y est, je suis amoureux d'elle et tout. Ah, il lui a fallu 3 ans pour tomber amoureux de toi? Bah voilà, quand même. Donc, c'est vrai. Pour en faire tout le tour. C'est vrai, non, mais déjà, ça prend du temps, mais c'est vrai que t'es une jolie fille, faut le reconnaître. Gérard, c'est ta femme. J'ai des beaux yeux verts, donc ça tout le monde. Hein. Et c'est vrai que tu t'habilles tellement bien. D'ailleurs, vous pouvez voir Sandy sur le site de Max. Ah ouais? Star-system.org. On voit un petit peu ses photos. Dans les photos de l'anniversaire, parce que tu étais bien sapé, là, avec vrai. Ta jupe. C'est vrai que sur le site officiel. Je sais pas s'il a vu ma photo sur Internet, si c'est ça qui l'a fait flasher ou quoi. Mais moi, ce que j'ai à te dire, c'est The Babouin, c'est que ça ne sert à rien. Moi, t'as 22 ans. Moi, déjà, t'as un petit genou. Ça ne sert à rien de Ouais. Bah ouais, complètement, moi, bien sûr. J'ai 28 ans, donc tu te rends compte, j'ai bientôt 30 balais, donc je suis déjà considérée comme une vieille. Hein. Bah ouais, t'es comme moi, oui, 31 ans, on se fait vieux maintenant. Bah oui, donc je prends de l'âge. Mais bon, alors le coup de gueule, c'est ça. Gérard, toi, bon bah je pense que t'es derrière Sandy, t'es d'accord avec elle. Bah moi, de toute manière, ce que j'ai à dire, elle vient de te le dire, mais moi je commence à en avoir ras-le-bol. On commence à en avoir ras-le-bol. Ça sert à rien. Ouais, c'est vrai, mais bon, si, c'est bien, on voit bien les photos dessus. Alors là, c'est vrai, on voit Gérard et Sandy à un moment. Tu es magnifique. Cette coupe de cheveux avec ces mèches là plaquées contre ton front, on a l'impression que ces cheveux n'ont pas été lavés depuis 15 jours. Cette sensation de crasse. Non mais c'est beau, alors qu'en fin de compte, c'est fait... comment tu fais ces mèches de cheveux? C'est avec du gel? C'est moi? Oui. Non, pas moi. Gérard ou moi? Non, toi Sandy, tu fais ça comment? Ces mèches que tu fais devant plaquées là, on a l'impression que c'est du gras. Bah, en fait non, c'est avec de la laque et du gel. Ah, c'est avec de la laque et du gel, mais tu utilises un demi flacon, non? Non, quand même pas, non, parce que c'est Gérard qui m'achète les boîtes de gel. Ah, il t'achète les boîtes de gel, d'accord, mais tu mets pas, quand t'as plus de gel, tu mets pas de la vaseline? Ah non, quand même non, pas. Non, quand même pas, tu vas pas jusque là. On m'avait dit c'était avec des frites. Non, c'est avec la gelée que t'as autour du pâté de foie. Je sais pas comment ça se passe. Fildar, tu peux commenter là le. Non, mais la photo là, c'est quoi ça? C'est quoi cette photo là? Bah, c'est toi qui. Je sais pas. Pète les plombs, c'est quoi? C'est avec les cadeaux. Pète les plombs. Et puis, Sandy et sa jupe de derrière. Sandy et sa jupe, magnifique. Gros dossier. Vous allez www.star-system-sans-eux.org et vous aurez toutes les photos qu'on est en train de. Dont nous sommes en train de regarder. Voilà. Bon, bah, merci en tout cas, Sandy. Bah, y a pas de quoi, donc fesses de babouin, ça sert à rien. T'inquiète pas. N'essaye pas, ça marchera pas. Exactement, mais t'inquiète pas, on s'occupe de tout et on lui mettra le holà, ne t'inquiète pas pour ça, Sandy. D'accord? Ok, d'accord. Bah, et je préviens le premier qui continuera à harceler Gérard ou bien Sandy sur le portable en leur laissant des messages cochons, je ne leur dirai qu'une chose: continuez! Et vous aurez des problèmes! Hein? Ouais. Eh oui, vous aurez des problèmes. De toute façon, j'ai déjà, si ça continue, je porte plainte. Bah exactement, voilà. Enfin, à un moment donné, on finit par porter plainte. Exactement, Gérard, qu'est-ce que t'en penses? Bah, de toute manière, il n'y a que ça à faire, hein. Bon, t'as fini avec ton bruit de mousse, là. Hein? T'arrêtes avec ta mousse. C'est quand tu parles, ça, les mouches arrivent. N'importe quoi.